Salut à tous et bienvenue sur Nature Fan pour le Top 50 2017. Vous allez pouvoir écouter les meilleures chansons de l'année écoulée, réparties en 5 émissions, diffusées pendant 5 jours. Quatrième partie de notre Top 50 2017 avec aujourd'hui les 10 titres allant de la 20e à la 11e place. Et à la 20e place, nous avons les Londoniens de Bush avec Mad Love, le duo américain Sylvanesso est classé 19e avec Die Young, et les Australiens de Sydney, DMAS, occupent la 18e place avec Downing. Gonna die young. Now I wait for you. direction, but you're holding the fuse. I was gonna die young. Thank you. En 17e, 16e et 15e position de ce top 50 2017, nous retrouvons les Britanniques de The Horrors avec Something to Remember Me By, Arléa avec You Don't Get It et Men I Trust de Montréal avec Tail Whip. 14e et 13e de ce top 50, les londoniens de Ten Fee avec Single No Return et les américains de The Nationals avec The System Only Dreams in Total Darkness. I'd like to blame it on my daddy. get up, it's time to go. The system only dreams. arrive maintenant à la 12e place et c'est Noel Gallagher qui l'occupe avec ses High Flying Birds et son It's a Beautiful World. We'll be right back. on termine ce quatrième épisode du Top 50 2017 avec Always de Toronto, que l'on retrouve à la 11e place avec In Undertow. Je vous retrouve demain à la même heure pour la suite du Top 50 2017. Salut !